Yeah, quoi que tu dises, je me déplace centime. Mister Swaggy Boy, là je parle des flow Nesdin. J'ai des projets dans la tête que je veux réaliser trop vite. Que la concurrence garde le smile, j'écris les titres 8 par 8. Le swag est immense, le budget est petit. On est rentré dans le biz avec un gros appétit. Mais c'est qui ce type? C'est un novice, il a même pas de stud. J'ai son style en triple. Je remercie les rageux pendant que j'écris un feat. Garde le smile, je suis rentré pour bonne conduite. Je vais pas me convertir à l'islam. Psartek, ton swag est limité. Parc maître, j'taffe sec, j'relève la tête. Même si j'ai perdu la première version du texte. Donc je garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile. J'pars en impro, 8 mile. C'est bien ta nouvelle montre, mais j'ai plus le time. Les MC gardent la pêche. Moi je garde le smile, moi je garde le smile. Et tant que j'y suis, dédicace Vididi. Vu que j'ai perdu l'ancienne, voici les inédits. Un peu comme si j'étais devant le but, appelle-moi Zinedine. Je suis un mélange entre personne, ni Lafouine ni Medine. Je suis moi-même et je suis démesuré, comme un schizo qui se regarde dans un miroir. Je sais plus où regarder. On n'a pas besoin de ton ici, c'est pas le téléthon. Moi et Nesdin, on est des bons, on est là pour viser des fronts. On s'en sortira même sans les fonds. De toute façon, moi ces instrus, je les défonce. Garde le smile, mot d'ordre, passe le mic aux autres. Stop. Garde le smile, garde le smile, garde le smile. Les MC gardent la pêche, moi je garde le smile. Les MC gardent la pêche, moi je garde le smile. Dis-moi, c'est quoi les bails? Que je passe la première. Je suis un peu comme un mec du centre qui se présente au primaire. Que la concurrence garde le smile. Pourquoi tester si tu n'es pas de taille? Pourquoi speeder quand t'as du time? Garde le smile, garde le smile, garde le smile, garde le smile. Dis-moi c'est quoi les bails? Que je passe la première. Je suis un peu comme un mec du centre qui se présente au primaire. Que la concurrence garde le smile. Pourquoi tester si tu n'es pas taille? Pourquoi speeder quand t'as du time? Garde le smile, garde le smile. Dédicace à Vididi. Keep the smile. Dis-moi c'est quoi les bails? Les MC gardent la pêche, moi je garde le smile. Ton swag est limité, parc maître.